Bonjour, ici votre animatrice Michel Monette. C'est l'émission Les Oreilles ailleurs. Cette semaine, je vous présente des artistes indonésiens. Avec comptabilisé à ce jour, jusqu'à ce jour, 17 508 îles, je dis jusqu'à ce jour, parce que avec le réchauffement climatique, on ne sait plus, hein. C'est le plus grand archipel au monde, quoi qu'il en soit, l'Indonésie, avec une population estimée à 250 millions de personnes. C'est le quatrième pays le plus peuplé au monde. C'est le premier pays à majorité musulmane pour le nombre de croyants, et c'est la troisième démocratie en nombre d'habitants. L'indonésien est une des formes du malais. C'est la langue officielle en Indonésie, mais pour une majorité, ce n'est pas leur langue maternelle. Ils ne l'apprennent à l'école que vers l'âge de 5 ans. J'ai lu qu'il y a plusieurs centaines de langues en Indonésie. On va débuter avec un groupe folk qui gagne en popularité là-bas depuis quelques années, Dialog Dini Hari. Ils sont de l'île de Bali. Voici une chanson enregistrée en 2014, 360 bateaux. Di waktu yang singkat berbagi ceria para sahabat lewati tebing tinggi menjulang seutas tali tangan berpegang pasir putih terbentang indah karang mengukir hati yang bunda memaksa diri lupakan risau lautan cinta intan kilau bernyanyi riang denangkan lagu duduk bersila mainkan gitarku lukisan langit biar tak menentu hati tak surut ombak merayu tertawalah tertawalah kawan basuh basahi diri luka biar terluka gembiralah jadikan kenangan canda alam bersahaja air laut tak lagi pasang cuaca redup gerimis datang angin bertiup awan bergerak surya tenggelam siap terancam tertawalah tertawalah kawan basuh basahi diri luka biar terluka kawan garam kering sendiri bahagia gembiralah jadikan kenangan canda alam bersahaja. Terakhir bawa kita pulang lewat tebing tinggi menjulang. Hai sobat kenang hari ini simpan di hati bawa pergi. Tertawalah tertawalah kawan basuh basahi diri luka biar terluka kawan garam kering sendiri bahagia gembiralah jadi kenangan tertawa tertawalah kawan basuh basahi diri luka biar terluka kawan. istri bahagia gembiralah. Jadikan kenangan canda alam bersahaja. Tertawa, tertawa, gembiralah kawan. Tertawa, tertawa, bahagialah kawan. 360 bateaux. Vous me pardonnerez de ne pas avoir donné le chiffre en indonésien. C'est du groupe Dialogue d'Ini Hari. Dans les deux prochaines chansons, on va passer d'une musique plutôt folk qu'on vient d'entendre à une musique électropop. Dans ce dernier cas, on va entendre le trio Homogénique dans l'électropop. C'est un groupe, c'est un trio fondé en 2002. On va s'entendre dans la chanson Untuk Mu. Doniaku, c'est quelque chose comme mon monde pour toi. Mais d'abord, le groupe Naïf, c'est un groupe qui existe depuis 1995, c'est des vétérans sur la scène indonésienne. C'est en écoutant un concert de Nirvana à la télévision indonésienne qu'ils ont écrit leur première chanson. Un jour, un ami leur dit que leur musique était simple, mais très harmonique. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de s'appeler Naïf. Le premier album a été un échec commercial total, mais le deuxième s'est vendu à 500 000 d'exemplaires, quand même, hein? Quand même. La chanson Karena Kamu Kumasatu qu'on va entendre date de 2011. Kau yang paling setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta. Cuma engkau saja dari semua pria, aku yang juara dari semua wanita, kau yang paling sejiwa denganmu. Satunya dan tak ada dua, apalagi tiga, cuma engkau saja.

Untokmo Doniako, c'était le groupe homogénique. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec, www.ckrl.qc.ca. C'est Michel Monnette et c'est l'émission Les Oreilles Ailleurs jusqu'à 16h. Le hip-hop connaît beaucoup de succès un peu partout à travers le monde. L'Indonésie n'y échappe pas. On va écouter une chanson de la rappeuse Lady Gan, Chakwak Mouret. Lady Gaga dans Chakwak Mouret. C'est tiré de l'album Mantra. La pochette est magnifique. On la voit toute songeuse avec un immense chapeau tout de fleurs fait, avec un voile bleu par-dessus. Elle est habillée tout en jaune. Son chemisier est tout en jaune. C'est superbe. On termine cette première partie avec un duo, le duo Belcastrelka. Ils sont de Yogyakarta. C'est situé dans l'île, dans le centre de l'île de Java, Yogyakarta. C'est une chanson 2 que vous pouvez télécharger gratuitement sur Free Archive Music. D'ailleurs, on entre dans une zone gratuite à partir de maintenant et pour la deuxième partie de l'émission, trouvez pas mal de choses intéressantes de ce côté-là. Et il y a de plus en plus d'artistes qui offrent leur musique gratuitement sur Internet. Il y a Web Music ce soir de notre ami Simon qui vous en présente d'ailleurs, soit dit en passant. On va écouter de Belcastrelka la chanson Fixi Penkuri Mimpi. Et je vais mettre le lien sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net. Pas besoin d'un papier crayon pour prendre tout ça en note. Vous allez tout avoir ça un peu plus tard dans la journée, peut-être une heure à peu près après le début de l'émission. Fixi Penkuri Mimpi. Makhluk-makhluk yang hidup dari mimpi. Mereka hidup rukun bahagia dengan segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Jika malam tiba mereka terlelap dan bermimpi indah di atas bantal-bantal. dapat menjumpai para penduduk pulau yang memandang cermin sementara pulau mereka perlahan mati, perlahan mati, perlahan mati, perlahan mati, perlahan mati, perlahan mati. C'est KRL. Québec. La Pépérette de Jérôme Hoff. Drôme de Marde de Pascal Plante. Une idée de grandeur de Vincent Biron. Spira vous convie à l'édition printanière du fameux cours Spiracourt. Julia Julep de Alana Zimmerman. Petit frère de Rémi Saint-Michel. Une programmation des meilleurs courts-métrages québécois de la dernière année vous sera présentée. Bec de Lièvre de Louis Bélanger. Découvrez ces films colorés dans l'ambiance festive du triplex suspendu à Limoilou le mardi 28 avril dès 19h. Billets, 6$ à l'entrée. Minarski, chute mortelle de Mathieu Rankin. Anatomie de Patrick Bossé. La friperie du Pavois est là pour vous. Depuis plusieurs années, la friperie du Pavois, entreprise d'économie sociale, se spécialise dans la vente de vêtements et articles de seconde main à très bas prix. La friperie du Pavois est là pour tous. Vous trouverez tout ce que vous cherchez. Literie, appareils électriques, jouets, livres, articles ménagers et vêtements pour hommes, femmes et enfants, pour tous les goûts et tous les âges. La friperie du Pavois est là pour vous. Située dans Limoilou, au coin 4e avenue et chemin de la Canardière, on vous accueille toujours avec le sourire le mardi de midi à 16h45, les mercredis et samedis de 10h à 16h45, les jeudis et vendredis de 10h à 20h45. Profitez de nos belles promotions hebdomadaires et ne manquez pas notre grande vente mensuelle à 50% sur tout en magasin. La friperie du Pavois, 799 4e avenue. Consultez notre page Facebook. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. Prochain match, notre finale de la saison 2014-2015, dimanche 10 mai 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Depuis 25 ans au salon de toilettage Lucie, nous vous offrons un service professionnel pour la tente, le toilettage et le bichonnage de vos amis si précieux. Pour une mise en beauté complète et attentionnée de votre chien et chat, la propriétaire Lucie Thibouteau vous offre un spécial pour vous gâter. Toutes les taxes seront payées pour les deux premières semaines de mai. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 88 624 1444. Venez nous rencontrer, 84 25 boulevard Henri Bourassa, en face du Carrefour Charlebourg. Au salon de toilettage Lucie, vous serez bien servi. 89.1. C'est KRL. Les gens autour de moi comprennent pas comment j'ai pu arriver à chausser ça. À Québec. Écoutez les oreilles ailleurs jusqu'à 16h, Michel Monette. Voici deux pièces tirées d'une compilation qui est offerte sous Creative Commons License. La licence Creative Commons, quoi. L'album, la compilation, c'est hashtag CCIDAP 2012. C'est une compilation qui est disponible sur Free Archive Music. Il y a plein de pépites comme ça sur Free Archive Music. C'est sorti en 2012 lors du lancement de Creative Commons Indonesia. On écoute Hidup Itu Pendek Sini Itu Panjang de Indie Art Wedding. Mais avant, on écoute Mensin Peninum Huchan de la talentueuse Fro. Et quand je dis talentueuse, le mot est faible. C'est le nom de scène de Leilani Hermiasi. Quand je vous disais qu'elle est talentueuse et même plus que talentueuse, j'aurais dû vous préciser que c'est elle qui joue du piano Frau. In the Art Wedding. Itu berat, mengapa tak mencoba berkesenian saja? Karena seni membuat semua terasa mudah, karena seni membuat semua jadi indah, karena seni membuat semua jadi asyik. Dan sebab hidup itu pendek, karena seni itu panjang. Sebab hidup itu pendek, karena seni itu panjang. itu susah lebih baik engkau berkesenian saja. Karena seni membuat semua terasa mudah. Karena seni membuat semua jadi indah. Karena seni membuat semua jadi asyik. Dan sebab hidup itu pendek. Karena seni itu panjang. Sebab hidup itu pendek. Karena seni C'était Indie Art Wedding dans Hidup Itu Pendek Seni Itu Panjang. Toujours de la même compilation dont je vous parle depuis le début de la demi-heure. Je vous présente deux autres chansons, Kampuang Nanjo Dimato du groupe The Upstairs, mais c'est précédé pardon, de Senga Mengila de White Shoes and the Couples Company. C'est une pièce qui se retrouve aussi sur un album qu'ils ont fait paraître en 2013, Vacancy. On les écoute. Thank you. Yeah. C'était le groupe indonésien The Upstairs dans Kampuang Nanjo Di Mato. On termine l'émission avec le duo javanais Roli Shabara et Sonny Irawan. Je présente deux pièces de l'album Seroja, pardon, sorti en 2014 sur l'étiquette indépendante Yes No Wave, l'étiquette d'une maison indonésienne qui nous offre de la musique originale de type expérimental qu'on peut télécharger gratuitement sur leur site web. On peut aussi donner un montant pour signifier notre appréciation et les soutenir en passant. Je vous rappelle que vous allez retrouver tout ce que j'ai fait jouer aujourd'hui sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net. Voici Hania Idup, précédée de Mereda Mereka. Les chansons se sont inversées. C'était Hania Idup que vous venez d'entendre. On va écouter Mereda Mereka pour terminer l'émission. C'est ainsi que ça va d'ailleurs s'achever. Le podcast va être disponible dans les prochaines minutes sur le site de CKRL.